Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, les SS, la fameuse Schutzstaffel d'Hitler. Un des plus grands criminels de l'histoire, l'ancien colonel des SS Adolf Eichmann, a été hier condamné à mort par le tribunal de Jérusalem. Ainsi se termine par une sentence exemplaire le procès de celui que l'on a appelé le bourreau des Juifs. Le procès et l'exécution d'Adolf Eichmann restent un symbole fort du prix que l'on fera payer à certains joueurs clés du régime nazi pour les crimes qu'ils ont commis durant la Deuxième Guerre mondiale. Le seul nom d'Adolf Eichmann est d'ailleurs à jamais associé à l'horreur des camps de concentration nazis et à la cruauté extrême dont feront preuve les SS durant cet horrible cauchemar que traversera l'humanité au début des années 40. SS, enfants de la milice, c'est nous les durs, les mecs au cœur de fer, et nous n'avons pour utiliser nos services qu'un seul patron, un seul Adolf Hitler. Bientôt, enfin, viendra la récompense. Notre vertu recevra son salaire lorsque nous serons accrochés à la potence. Nous crèverons au nom d'Adolf Hitler. Lorsque nous serons accrochés à la potence, nous crèverons au nom d'Adolf Hitler. Le chant des Waffen-SS, vous l'aurez deviné, il s'agit d'une parodie, des chants SS diffusés sur les ondes de la BBC en janvier 1944. Pour nous rappeler l'importance que vont avoir les SS sous le régime nazi, mon invité Stéphane Roussel, qui est directeur du Centre interuniversitaire de recherche sur les relations internationales du Canada et du Québec, spécialiste des questions militaires et géopolitiques internationales. Stéphane Roussel, bonjour. Bonjour. Que représentent les SS, cette fameuse Schutzstaffel? Qu'est-ce que ça représente? Quelle importance à cette organisation-là sous le régime d'Adolf Hitler? À l'origine, c'est la garde personnelle d'Adolf Hitler. Ce sont les gardes du corps de Hitler. Mais cette institution va prendre, avec le temps, une importance considérable, si bien qu'elle va le devenir, et je pense que c'est à ce titre-là, d'abord, qu'on doit s'en souvenir, elle va devenir le bras armé du parti nazi. Parce qu'Hitler et les dirigeants nazis ont ordonné, ont donné des ordres épouvantables qui ont entraîné la mort de millions de personnes. Mais il y a des gens qui ont physiquement commis ces crimes-là. Ouais. En grande partie, pas exclusivement, mais en très grande partie, ce sont les SS qui vont commettre les crimes du régime nazi. Ouais. Avec des cibles, évidemment, particulières, les Juifs, mais pas que les Juifs, d'ailleurs. Les Juifs sont leur première cible, c'est eux qui vont probablement souffrir le plus, mais il y a tous les opposants politiques des nazis, qu'ils soient de gauche ou de droite. Naturellement, les communistes vont être dans leur mire aussi. On retrouve dans les territoires occupés les opérations de répression contre la résistance, mais contre la population. Et également, dans les territoires occupés, on va chasser les gens, les Juifs, on va chasser les représentants de l'ancien régime. On va donc, tous les opposants politiques ou idéologiques des nazis vont être victimes des SS. Un État dans l'État, puis ça, on va y revenir, mais cette idée qu'il faut vraiment tout de suite retenir, cet organe-là, cette organisation-là, c'est elle qui fait le sale travail. Les pires crimes, c'est les SS qui vont les commettre. Oui, absolument. Ouais. C'est très difficile de compter combien de morts ils ont sur la conscience, mais c'est peut-être entre 10 et 15 millions de personnes qui ont été tuées. Dans quel contexte elle naît, cette fameuse Schutzstaffel? Au tout début, 1923, donc il faut savoir que la politique en Allemagne dans les années 20, elle est très violente. Les rassemblements politiques se dégénèrent très souvent en bagarre. Et Hitler, dans les premières années du parti nazi, sent le besoin de s'entourer d'une garde personnelle. Et c'est au tout début, c'est 10 hommes triés sur le volet qui vont devenir ces gardiens-là. Le parti nazi tente un coup d'État en 1923, il est déclaré illégal et il va être recréé en 1925. Et c'est là où on recrée aussi ce troupe de garde du corps qui prend le nom SS, les Notstaffel, et qui va grossir à partir de ce moment-là. Déjà, on parle d'une centaine d'hommes en 1926 et qui va grossir graduellement comme ça avec le temps. En 29, c'est une date importante parce que Heinrich Himmler prend la tête des SS. Il va évidemment être central dans l'histoire des SS et dans ce que vont devenir ces SS. Parlez-nous de lui, Stéphane Roussel. Qui est Heinrich Himmler? C'est un personnage qui est extrêmement difficile à aborder parce qu'il n'y a absolument rien de sympathique chez cette personne-là. On pourrait dire que c'est un fonctionnaire froid, c'est un très bon organisateur, c'est quelqu'un qui est très rationnel et qui, en même temps, intègre tous les éléments de l'idéologie nazie, l'idéologie raciste des nazis. Il l'applique de manière très systématique. Il y croit, il la partage. Totalement. Ah oui, depuis sa jeunesse. Ouais. On peut remonter dans sa jeunesse et voir qu'il partageait déjà ces idées-là et il se retrouve très à l'aise à l'intérieur du parti nazi. Et c'est quelqu'un aussi qui a des idées un peu bizarres, des idées un peu ésotériques aussi. Il va chercher une espèce de symbolique ésotérique, presque magique en parallèle de ses activités. Et donc, c'est un organisateur très puissant dans le sens où il va prendre ce petit groupe de SS et au fil des années, il va lui donner, lui octroyer des responsabilités. Les SS vont grossir d'une manière exponentielle sous sa gouverne. Et s'immiscer dans toutes les sphères de l'État. Himmler, c'est aussi... On va tout de suite y aller dans ce cœur du sujet, au fond. On le disait, c'est les SS qui feront le sale boulot. Et le sale boulot, c'est beaucoup cette entreprise d'extermination des Juifs. Et c'est l'un des hommes de cette machine de l'extermination des Juifs. C'est un des hommes de la solution finale. Himmler, il y croit, on vient de le dire. On écoute tout de suite un extrait du documentaire Jusqu'au dernier, La destruction des Juifs d'Europe. C'est assez révélateur sur cet aspect dont je viens de vous parler. Un documentaire réalisé par Blanche Finger et William Carell en 2013. Vous allez y entendre d'abord les historiens Jan Kershaw et Peter Langrisch, de même qu'un extrait du célèbre discours d'Himmler à Poznan en 1943. Himmler a said on several occasions that Himmler avait dit à plusieurs reprises, le Führer avait placé sur mes épaules la lourde responsabilité d'exécuter cette mission, l'élimination des Juifs. Et Himmler en a parlé devant des responsables des SS et du parti, en des termes que jamais Hitler n'avait ou n'aurait pu utiliser. Ce fut lors de son célèbre discours de Poznan, en 1943. Il a reconnu ouvertement l'extermination des Juifs. Il a parlé de la page glorieuse de l'histoire de la SS qui ne sera jamais écrite. Ce discours est conservé dans sa version originale, avec sa vraie voix. On peut l'écouter. Nous pouvons en parler entre nous, mais il ne faudra jamais l'évoquer en public. Je veux parler de la déportation des Juifs, de l'extermination du peuple juif. Nous avons le droit moral et le devoir envers notre peuple de supprimer ce peuple qui voulait nous tuer. C'est une page glorieuse, une page qui ne sera jamais écrite et qui devra rester secrète à jamais. Quel rôle va jouer Himmler, Stéphane Roussel, et quelle importance auront les SS, on y revient, dans cette entreprise d'extermination des Juifs? Les premiers camps de concentration apparaissent dès la prise du pouvoir par les nazis, donc en 1933, mais c'est ce qu'on appelle à l'époque des camps sauvages, en mesure c'est des initiatives locales, spontanées. Des fois, c'est dans les caves des locaux du parti nazi. Et c'est mené par une autre organisation dont on va parler tantôt, les SA. Oui. Et rapidement, les SS vont prendre le contrôle de ces camps-là et vont les organiser sur une base, on pourrait dire, affreusement industrielle. C'est-à-dire que certaines personnes, Himmler, mais il va être assisté là-dedans par quelqu'un qui s'appelle Theodor Heinke, qui va prendre le contrôle, qui va être le commandant du camp de Dachau et qui va créer littéralement cette méthode froide, organisée, calculée, d'éliminer des êtres humains. Ouais, parce que la solution finale, elle n'est pas tout de suite pensée. Donc, il y a des camps, ceux dont vous nous parliez en 33, mais qui sont des camps de détention. Mm-hmm. Mais la solution finale, elle arrive au début, c'est quoi, 42? 42, effectivement. Ouais. Donc, au milieu de la guerre, lorsque les nazis se sentent de plus en plus pressés de faire disparaître les Juifs, au début, on avait cette idée, on va les faire émigrer, on va les concentrer on pensait les envoyer à Madagascar, mais leur logique complètement folle, les amène à un moment donné à dire ce qu'on va faire, c'est qu'on va les éliminer physiquement. Ouais. Déjà, l'entreprise avait commencé d'une certaine manière, sur le front de l'Est notamment, à l'égard des Soviétiques, mais le moment, vraiment, quand on arrive dans la méthode quasi-industriel, donc c'est pendant la guerre, et là, la machine se met à tourner à plein régime. Et ce sont des SS qui sont là, sur place. Le discours de Poznan est assez évocateur. Il le dit, Himmler, évidemment, ils se parlent entre eux. Hein. Il ne faut pas que ça sorte de notre petite secte, mais il y a une grande... Ils le font dans leur tête, à eux, en toute légitimité. C'est des SS qui vont être... Absolument. Qui vont être dans les camps à faire le travail. C'est vraiment une entreprise des SS, c'est-à-dire une des trois ou quatre grandes entreprises des SS, c'est les camps de concentration et l'extermination systématique de groupes d'êtres humains. Ouais. Il y a une chose, je parlais de ce discours de Poznan où on a l'impression que c'est la secte. On se parle entre soi, on l'entendait dans l'extrait du documentaire. On va se dire les choses, il ne faut pas que ça sorte. Il y a comme l'histoire qu'on est en train d'écrire avec fierté du côté SS et nazi et l'histoire officielle. Puis il y a comme ces deux voies parallèles qui ne se croisent pas nécessairement dans le même ordre d'idée. Puis on va revenir là-dessus parce que c'est important dans l'équation. Cette espèce de structure parallèle que vont devenir les SS, cet État dans l'État. Dans le même ordre d'idée, je vous propose d'écouter un extrait d'un discours d'Hitler qui s'adresse, encore une fois, ils se parlent entre eux, ils s'adressent à un parterre de SS et de SA, 3 mois seulement après son arrivée au pouvoir en 1933. Voici l'aube d'une nouvelle époque. L'Allemagne s'est réveillée. Nous avons conquis le pouvoir en Allemagne. Maintenant, nous devons conquérir le peuple allemand. Des centaines de milliers de ceux qui m'écoutent en ce moment dans toute l'Allemagne et des centaines de milliers d'entre vous dans le passé se sont demandé combien de temps encore. Je sais, camarades, cela a dû souvent être difficile pour vous quand vous pensiez qu'un changement allait se produire et qu'il ne venait pas. Et vous entendiez de nouveau l'appel. Le combat doit continuer. Vous ne pouvez pas agir par vous-même. Vous devez obéir, résister à cette terrible pression. C'est pourquoi je veux vous remercier de n'avoir pas faibli, de n'avoir pas abandonné pendant ce temps, car c'est grâce à vous que tout cela a été possible. Si vous aviez renoncé, l'Allemagne n'aurait jamais été sauvée. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce qu'on vient d'entendre, Stéphane Roussel? Ça va devenir vraiment... Il y a quelque chose de très particulier avec cette organisation des SS qui répond pas de l'État allemand. C'est une structure parallèle, c'est un État dans l'État. C'est quoi le jeu? C'est quoi l'équation? Ce que Hitler annonce dans son discours, c'est qu'il y a des grandes réformes qui s'en viennent et l'Allemagne nazie, à l'instar de plusieurs autres régimes autoritaires qui sont basés sur un parti, va créer des structures parallèles à l'État allemand dans lequel, parce que les nazis n'ont pas confiance dans les fonctionnaires ou dans l'armée allemande, qui est une institution à l'extérieur du parti. Donc, on va se doter de structures parallèles à l'État allemand, en grande partie, donc, qui vont être contrôlés par les SS. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va transférer graduellement. Et il faut aussi bien comprendre que l'Allemagne nazie, loin d'être une structure bureaucratique organisée, c'est très chaotique, en fait, plutôt de la manière dont on fonctionne. Mais on va attribuer aux partis nazis et aux SS des responsabilités qui appartenaient à l'État allemand. Mm-hmm. Entre autres, entre 1933 et 1936, on donne le contrôle de la police. Et quand j'entends la police, c'est même la police dans les rues, là, si vous voulez, qui passe sous le contrôle de Himmler et des SS. Les policiers ne sont pas nécessairement des SS eux-mêmes, mais ils sont dirigés par les SS. De même, les camps de concentration qui vont proliférer, qui vont être sous la direction des SS. Et les chiffres sont absolument faramineux. Là. Quand on regarde, à partir du moment où Hitler prendre le pouvoir en 1933, ce que devient la Schutzstaffel, le nombre, les effectifs grossissent, mais c'est exponentiel. Absolument, parce que les SS, il y a plusieurs branches, si vous voulez. Il y a d'abord les SS réguliers, en fait, ceux qui vont être à la disposition de Hitler, son corps de garde personnel. Vous avez les camps de concentration, ce qu'on appelle les Totenkopf, les têtes de mort, si vous voulez. Vous avez des SS aussi dans l'administration, des fonctionnaires, des policiers. Et vous avez finalement, parce qu'ils vont pousser la logique de ce dédoublement de l'État jusqu'au bout, ils vont se doter de leur propre armée. armée. Oui. Si bien cette branche qu'on va appeler éventuellement les Waffen-SS, la SS en armes, c'est littéralement une armée qui est équipée d'artillerie, de blindés, ils ont tout l'équipement de l'armée allemande et même parfois meilleur que celui de l'armée Donc c'est une mise au rencard de la Wehrmacht, de l'armée officielle. Très graduellement, le processus n'a pas allé jusqu'au bout, mais à la fin de la guerre, vous avez presque 900 000 personnes qui ont servi dans la Waffen-SS, et c'est l'équivalent d'une quarantaine de 36 ou 40 divisions que les SS mettent en ligne, ce qui est énorme, en fait. Oui. On a à peine effleuré l'existence des SA. Hitler, dans cet extrait qu'on vient d'entendre, s'adressait aux SS et aux SA. Les SS, vous venez de nous le dire, ils vont prendre de plus en plus d'importance et les SA vont en faire les frais. Il y aura une mise au rencard. En fait, on va écarter, on va chercher à écarter les SA et ça va se passer beaucoup dans pas le coup d'envoi, mais il y a un événement important dans cette mise au rencard des SA par les SS, c'est la nuit des longs couteaux en 1934. Qu'est-ce qui se passe cette fameuse nuit-là? D'abord, on va faire la distinction entre les deux organisations. Si vous voulez, les SA, ce sont les militants, c'est-à-dire ceux qui paradent dans les rues, ce sont les bagarreurs de rue, ce sont les militants actifs du parti nazi. On les connaît sous le nom de chemise brune. Si vous voulez, si vous regardez les photos des années 20, des années 30, donc ces militants nazis qui prennent la rue, ce sont les SA, les Sturmabteilung, ou si vous voulez, les sections d'assaut. Ce sont eux qui vont se battre contre les communistes. Quand je dis se battre, c'est se battre physiquement. Oui. Donc, il y a des morts, il y a des blessés à chaque fois. Et cette organisation-là, qui est, si vous voulez, la milice du parti nazi, compte plusieurs centaines de milliers d'adhérents. Bien souvent, c'est des organisations locales. Il y a une structure nationale, mais elle est quand même assez lâche, si vous voulez. Au point où, au moment, et ça, c'est l'extrait du discours d'Hitler qu'on a entendu, prépare ça, c'est-à-dire au point où, au moment où les nazis prennent le pouvoir en 1933, les SA en demandent. Ils disent, bon, ça y est, on s'est battu pendant tout ce temps-là, maintenant, donnez-nous du pouvoir, faisons la révolution qu'on nous a promis. Or, Hitler ne veut pas faire la même révolution que les SA, c'est une autre révolution qu'il a en tête. Il a besoin de l'appui de l'armée et il a besoin de l'appui de la grande bourgeoisie allemande. Or, l'armée et la grande bourgeoisie allemande détestent ces bagarreurs de rue qui terrorisent la population. Et donc, Hitler doit se résoudre, en 1934, à se débarrasser des chefs de la SA pour la remettre au pas, donc la briser, dans le fond, son indépendance. Donc, en juin 1934, ce qu'on appelle la nuit des longs couteaux, Hitler va ordonner à ses SS d'arrêter. En fait, il va le faire, Hitler, personnellement, va participer à ça. On arrête les chefs de la SA et on les exécute. Il y a entre 100 et 200 morts. On ne connaît pas le nombre exact. Oui. On parlait de la Waffen-SS, qui sera l'armée personnelle d'Hitler, là, qui va remplacer graduellement l'armée officielle allemande avec parfois du meilleur équipement, nous disiez-vous, qui se retrouve dans cette puissante et terrifiante Waffen-SS. Je vous propose d'écouter un extrait du documentaire Apocalypse, la Seconde Guerre mondiale, réalisé par Isabelle Clark et Daniel Costel en 2009. La SS s'est dotée maintenant d'une véritable armée, la Waffen-SS. Des troupes d'élite qui doivent, sous les ordres d'Himmler, supplanter un jour la Wehrmacht, qui n'est plus considérée comme parfaitement fidèle. Himmler recrute de plus en plus dans les pays occupés des fanatiques, comme ces SS bosniaques, que vient inspecter le grand mufti de Jérusalem. Pour lui, les Juifs sont les ennemis communs de l'islam et de l'Allemagne nazie. Hitler lui a dit: l'heure de la libération du peuple arabe a sonné. Dans la partie de la Russie occupée, les SS n'ont pas de mal à recruter aussi deux divisions de Cosaques, déjà tristement célèbres du temps du tsarisme, pour leur pogrom antisémite sanglant. Ils vont former le redoutable 15e SS Cavalerie Corps. On le voit bien en écoutant cet extrait, Stéphane Roussel, la dimension idéologique, elle est très, très présente au sein de l'organisation SS et des hommes qui la composent. C'est déterminant. Absolument. Il y a plusieurs éléments pour comprendre cette idéologie. D'abord, là, encore, si on revient à l'extrait du discours d'Hitler, il y a une dimension de victimisation. les nazis, qui sont les pires bourreaux de l'histoire, se présentent d'abord et avant tout comme des victimes. Ouais. Et ils disent, si on ne détruit pas nos adversaires nous détruisent. Une logique complètement folle comme celle-là. Deuxièmement, il y a une logique, si vous voulez, profondément raciste. Je pense que l'élément central du nazisme, c'est son côté raciste dans lequel on fait une hiérarchie entre les peuples et on va décider que les peuples inférieurs doivent soit être éliminés, soit mis au service des peuples supérieurs. Et les gens y croient profondément. Ouais. C'est profondément ancré dans l'esprit donc des nazis. Et on va chercher ces fous furieux un peu partout dans le bloc de l'Est, pour dans les pays occupés, en se disant ils y croient tellement que ce seront les plus redoutables et les plus violents mercenaires qu'on puisse avoir. En fait, tous ceux qui sont soit antisémites, soit anticommunistes vont être recrutés. Mais quand on parle, et c'est l'aspect troublant de la chose, un des très nombreux aspects troublants de cette histoire-là, c'est pas tes fous furieux. C'est malheureusement, ouais. C'est ça qui est affreux. Ouais. Les gens qui sont dans la SS, la Waffen-SS ou dans les autres services de la SS, souvent, ce sont des gens normaux. Ouais. Il y a plus d'un million de personnes qui ont servi dans la SS. La plupart d'entre eux, j'hésite à le dire, mais ça pourrait être vous et moi, ouais. dans le même contexte, c'était normal d'agir. On nous a mis dans la tête le racisme, on a mis dans la tête la fidélité absolue à un individu. C'est un combat légitime pour eux. Est-ce que c'est pas ça, cet aspect idéologique, est-ce que c'est pas ça qui explique au fond, Stéphane Roussel, l'extrême violence qu'on peut attribuer au SS? L'aspect idéologique est très important parce que ça justifie beaucoup de choses. Ça justifie de dire, ben écoutez, on est dans une position de supériorité imaginaire, mais donc on peut se permettre n'importe quoi. Mais il y a un deuxième élément qu'il faut ajouter à ça, en marge de l'idéologie. Et ça, ce qui explique un peu le déchaînement de violence et le fait que n'importe qui ait pu faire ça, c'est ça, mm-hmm. n'importe qui a pu être dans la SS, c'est que l'État devient lui-même criminel. Ouais. On nous dit, oui, il existe toujours des lois contre le meurtre, mais maintenant, si vous le faites pour la bonne cause, vous êtes en marge de la loi. L'État devient criminel et il autorise ses citoyens à avoir des mm-hmm. comportements criminels. Dernière question, l'incontournable question quand on parle de ce génocide des Juifs, quand on parle de ces horreurs commises par le régime nazi et par les SS, est-ce pensable que ça puisse se reproduire aujourd'hui? C'est un débat extrêmement important qui est soulevé ici entre les historiens. Certains vont dire que non, le phénomène de l'Allemagne nazie est un phénomène conjoncturel qui est très peu susceptible de se reproduire. Moi, je suis plus de l'école de dire oui. Il faut se souvenir de l'histoire de l'Allemagne nazie et des SS comme un avertissement. Il ne faut plus jamais, jamais, jamais que ça se reproduise à nouveau. Et il faut être vigilant pour que des conditions semblables ne se reproduisent pas. Et des fois, je sais que c'est un peu, peut-être, c'est un peu tiré par les cheveux, mais je regarde ce qui se passe aux États-Unis ou ce qui se passe en Europe. Des fois, on a l'impression que certaines de ces conditions tendent à se remettre en place. Et il ne faut jamais oublier l'histoire des SS pour cette raison-là. Des conditions qui conduisent à un fanatisme qui fait qu'il y a des gens normaux, comme vous le disiez, qui sont convaincus d'être dans leur bon droit quand ils éliminent des populations entières. Absolument. Ouais. Stéphane Roussel, spécialiste des questions militaires et géopolitiques, directeur du Centre interuniversitaire de recherche sur les relations internationales du Canada et du Québec. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à vous. Merci également à Mathieu Beauchamp, à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault et Christian Côté, à la technique aujourd'hui Michel Saint-Pierre. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.